إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue encore une fois dans le chapitre 24 et c'est l'explication de ce qui a été mentionné dans le Kitab al-Tawhid au sujet de al-Sihr. Et le cheikh il explique le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu dans lequel il parle des sab' al-mubiqat, les sept péchés qui amènent quelqu'un à sa perte. Hein. Et donc on a parlé jusqu'à maintenant de plusieurs d'entre eux. Le premier c'est un shirk, le deuxième al-sihr, le troisième si je me souviens bien c'est qatl al-nafs, allati harrama Allah illa bil-haq, wa aklu mal al-yatim. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on a expliqué, pardon? Ah oui, wa aklu al-riba, oui, barakallahu fik. Donc on a parlé de ça, et aujourd'hui on continue à expliquer wa al-tawalli yawm al-zahf. والتولي يوم الزحف قال صلى الله عليه وسلم والتولي يوم الزحف التولي يوم الزحف الزحف هو الفرار من القتال بين المسلمين والكفار إذا حضر المعركة فمن حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال فلا يجوز له أن يصرف بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم Donc le cheikh il explique qu'est-ce que ça signifie at-tawalli yawm al-zahf, c'est de s'enfuir du combat lorsque il y a un combat entre les musulmans et les kuffars, de s'enfuir du combat, de la bataille, de tourner le dos. Donc le cheikh il dit que si il y a un combat entre les musulmans et les kuffars dans la guerre et on est capable de combattre, quelqu'un a la capacité de combattre, de participer au combat, c'est interdit pour lui de se détourner et de s'enfuir. C'est obligatoire pour lui, en fait, de combattre avec les musulmans. Et il mentionne le verset 15-16 dans Sourate Al-Anfal, okay, qui mentionne que ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez les mécréens, dans le combat, alors ne tournez pas le dos. Hein, ne tournez pas le dos. Et celui qui tourne son dos du combat ce jour-là, excepté pour une ruse qu'il fait pour le combat, ou bien pour se retourner vers un autre groupe qui est plus loin, hein, pour aller rejoindre un autre groupe qui est plus loin, alors il aura la colère d'Allah et sa destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc ça c'est à ce sujet-là. Après le cheikh dit waqala sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est l'autre qui vient après, wa qadhfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Al-murad bil-qadhf ar-ramy bil-fahisha min zina aw liwat والمراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا من الحرائر ومثلهن الرجال العفيفون والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ولا يرمي أحدا بالزنا أو باللواط وإذا قذفه ولم يقم البينة فإنه يجلد 80 جلدة قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا والشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد السحر من السبع المبيقات. Donc ici il parle de ce grand péché là qui est d'accuser les femmes innocentes et croyantes et chastes de zina, ou bien d'accuser un homme qui est chaste de zina ou de liwat ou d'homosexualité. Et c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Et le cheikh il parle de, quand il dit al-muhsanat dans le hadith, ça veut dire les femmes qui sont chastes, qui sont disons loin de qu'est-ce qui a rapport avec al-zina, parmi les femmes qui sont pas esclaves, parmi les femmes qui sont libres. Et la même chose pour les hommes qui sont afifs, c'est-à-dire qui sont afifoun, c'est-à-dire qui sont chastes aussi. Et si quelqu'un il dit qu'est-ce qui est obligatoire pour un musulman, c'est de préserver sa langue contre les fausses accusations. Okay? Et le cheikh il dit ensuite que on n'a pas le droit d'accuser quiconque d'avoir fait le zina ou d'avoir fait l'homosexualité. Et si quelqu'un accuse une autre personne sans ramener les témoins et la preuve, alors il sera fouetté ou il sera frappé 80 coups. Hein, 80 coups. Il aura 80 coups de fouet comme punition dans la charia. Et ça c'est mentionné dans Surat An-Nur, le verset 4 et 5. Ceux qui... pardon. Surat An-Nur, le verset 4 et 5, qui dit « Et ceux qui accusent les femmes innocentes, chastes, d'avoir fait zina ou des péchés comme ça qui ont rapport avec le zina et qui n'amènent pas 4 témoins, alors fouettez-les 80 coups et n'acceptez jamais de leur part aucun témoignage. Ceux-là sont les pervers, excepté ceux qui se sont repentis. » Donc le cheikh il termine cette explication du hadith en disant que ce qu'on a voulu mentionner dans ce hadith-là, en fait pourquoi le cheikh a mentionné ce hadith dans ce chapitre, c'est pour montrer que al-sihr fait partie des 7 grands péchés qui amènent quelqu'un à sa perte. أما ما يستفاد من هذه النصوص فهو كما يلي. أولا يستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به وأنه من السبع المبيقات وأنه من الإيمان بالجبت وأنه يخرج من الملة. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte, de ces preuves en général? C'est quoi? C'est que premièrement, c'est interdit d'apprendre la sorcellerie et la magie. Non seulement de la pratiquer, mais même de l'apprendre sans même la pratiquer. C'est interdit. Et que aussi, c'est kufr de l'apprendre, hein, pas seulement de la pratiquer, mais même de l'apprendre. Et de la pratiquer aussi. Et que ça fait partie des 7 choses qui font périr une personne, et que ça fait partie de la foi en, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-jibt. Hein, on a mentionné que al-sihr fait partie de qu'est-ce qu'on appelle comme étant al-jibt. Et, wa annahu yukhriju min al-millah. Et aussi que ça fait sortir de la religion. Vous voyez, des fois on parle aussi du tarot, al-jibt wa tarot, et on a expliqué plusieurs fois le tarot. En français, il y a un truc qu'on appelle le tarot. Des femmes qui lisent les cartes et qui prédisent l'avenir. Je ne sais pas si ça vient de cette origine-là, le mot, peut-être, mais ça vient peut-être de ça. Tarot, tarot. C'est bien possible. Allahu a'lam. Daniel, Deuxièmement, في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصا والمعاصي عموما وترك أسبابها لأن كلمة اجتنب معناها أن الإنسان يترك الأسباب الموصلة إلى الحرام. الشيخ الزي aussi que dans ces textes il y a l'ordre de s'écarter des grands péchés et en particulier de celles qui sont mentionnées dans ce hadith, les grands péchés et des péchés en général également, et d'abandonner les causes du péché, comme par exemple dans le texte Ijtanibu. Ijtanibu, ça veut dire écartez-vous des sept grands, Ijtanibu, ça veut dire écartez-vous des grands péchés, et ça ne veut pas juste seulement, ça veut pas dire seulement de s'écarter ou de ne pas faire le péché, mais de s'écarter de tout ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans ce péché-là. Donc tous les moyens qui amènent vers ce péché sont haram également. Troisièmement, ثالثاً يستفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ به في هذا الحديث فدل على أن الشرك بالله أكبر الكبائر. وقوله عن جو أن كيسف الحديث. Donc il dit, on peut aussi comprendre dans ce hadith que le shirk est le plus grand de tous les grands péchés, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par ce péché-là dans ce hadith à cause de ça. Ça prouve donc que c'est le plus grand péché parmi les grands péchés, le shirk, et qu'il n'y a pas d'autre péché plus grand que ce péché-là. Ensuite, le shaykh il dit, وَقَوْلُهُ il explique maintenant l'autre hadith. Il dit, عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. Ok. Donc maintenant le shaykh il mentionne une affaire qui est une parole d'un sahabi qui est rapportée selon Jundub. Elle a été attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole, toutefois qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui est authentique, c'est que c'est une parole d'un sahabi et non pas un hadith. C'est pas authentique en tant que parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que la punition pour le sorcier, donc pour celui qui fait de la magie ou de la sorcellerie, sa punition c'est un coup d'épée. C'est-à-dire un coup d'épée dans le cou. Ça c'est la peine qu'on donne dans l'islam, la peine de mort en fait. pour celui qui pratique la sorcellerie. حد الساحر ضربة بالسيف. C'est-à-dire la punition pour le sorcier, c'est un coup d'épée. Un coup avec l'épée. C'est rapporté par Tirmidhi. Et le Cheikh il dit, وعن جندب قيل هو جندب بن عبد الله البجلي وقيل غيره والله أعلم وحد الساحر ضربة بالسيف المعنى أن حكم الساحر وجوب قتله لأنه يفسد في الأرض كما قال تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فالساحر مفسد في الأرض يجب قتله وأيضا هو كافر والكافر يجب قتله إن كان كافرا أصليا وجب قتله بكفره وإفساده وإن كان مسلما ثم استعمل السحر وجب قتله لردته والسحر ناقض من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك الشيخ في نواقض الإسلام العشرة قال ومنها تعلم السحر وتعليمه. Donc le chef explique que يعني selon Jundub ibn Abdullah al-Bajali, ça se peut que ce soit lui, sinon c'est possible que ce soit autre que lui, un autre qui s'appelle Jundub, wallahu a'lam. Et après il dit que la punition donc c'est pour celui qui fait la sorcellerie, c'est un coup d'épée. Ça veut dire que c'est obligatoire de l'exécuter s'il pratique la sorcellerie. Parce qu'il fait la corruption sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des magiciens, dans Surat Yunus, le verset 81, il dit que lorsque les magiciens ont lancé leurs cordes, Moussa alayhi salam leur a dit, ce que vous avez amené de magie Allah subhanahu wa ta'ala va le rendre nul, va le rendre vain, et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne pas le succès à l'action des corrupteurs, ok, et qui font le désordre. Donc le sorcier fait partie des mufsidoun, partie de ceux qui font l'ifsad. Et donc c'est obligatoire de les punir par la peine de mort. Et il est kafir, en plus de ça, il est kafir parce qu'il pratique la magie. Et il dit soit qu'il est kafir asli, dans le sens qu'il n'était pas musulman, puis il a pratiqué la sorcellerie, dans ce cas-là, il est exécuté à cause de sa mécréance et de le désordre qu'il fait sur la terre. Et s'il était musulman, puis par la suite il a fait de la magie, dans ce cas-là, il est obligatoire de l'exécuter pour son apostasie. Ça, il y a une différence d'opinion là-dessus. S'il se repent, est-ce qu'il sera exécuté ou non? Il y en a des ulama qui ont dit non, sa repentance ne sera pas acceptée parce qu'il ment. Et c'est comme ça que les sorciers font. Sinon, il y en a qui acceptent la repentance des magiciens. Mais on va voir les détails de ça, soit à la fin, soit ce cours-ci ou bien le cours prochain, inshallah. Naam, al-jibt, ça comprend beaucoup de choses. Ça peut comprendre la magie, la sorcellerie, ça peut comprendre le shaitan, ça peut comprendre beaucoup de choses comme ça. Et le tarot, c'est ça. Ça peut être al-kahin, et celui qui juge par contre la loi d'Allah, ça peut être le shaitan, ça peut être qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah, qui est satisfait de se faire adorer. Tout ce qui dépasse sa limite. C'est le tarot. Et al-jibt, c'est al-sihr, et qu'est-ce qu'il y a à voir avec ces choses-là. Et donc, c'est ça. Et le cheikh, il dit ensuite que al-sihr, la magie, fait partie d'un des points qui annule l'islam d'une personne, s'il le pratique ou s'il l'apprend. Et comme cheikh Mohammed Abdul Wahhab l'a mentionné dans le petit livre « Nawaqid de l'islam », il a mentionné 10 parmi les nawaqid de l'islam, et il a dit parmi ces 10-là, le fait d'apprendre la sorcellerie et de l'enseigner. Ensuite, il dit, là il mentionne un autre hadith, il dit, « وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وقال فقتلنا 3 سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب وقال أحمد صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك كذا صحيح البخاري selon بجالة ابن عبدة إلى ذلك Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a écrit qu'il a écrit « Tuez tous les sorciers et les sorcières ». Ok. Et il a dit, donc on a tué 3 sorciers. Et après, il dit que c'est rapporté authentiquement selon Hafsa radiallahu anha, qu'elle a ordonné de tuer une sorcière qui l'avait ensorcelée, et puis elle a été exécutée. Une jaria, oui, une jeune fille qui était une sorcière, et puis elle a été exécutée. Et وكذلك صح عن جندب, ça a été rapporté aussi selon Jundub, comme on l'a mentionné tout à l'heure. En fait, il y a al-jaria, c'est une jeune fille, hein. Et Al-Ghulam, c'est un jeune garçon. D'accord, oui. Donc, وقال أحمد صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Et Ahmed, l'imam Ahmed a dit, ça a été rapporté authentiquement selon 3 parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. قوله في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني خلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا يؤيد حديث جندب حد الساحر ضربة بالسيف. إذا كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني خلفاء الراشدين كتب إلى الأمصار وإلى ولاته أن يقتلوا كل ساحر وساحرة واشتهر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إذن فقتل الساحر دل عليه الحديث وفعل عمر بن الخطاب، وكان بجالة بن عبده كاتبا لبعض الولاة فهو يذكر ما وصلهم من عمر، قال فقتلنا ثلاثة سواحر، يعني نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين، وسواحر جمع ساحرة وهي المرأة التي تتعاطى السحر، وقال وصح عن حفصة وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنه أنها أمرت بقتل جارية لها أي مملوكة لها، وسحرتها أي سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها، وهذا أيضا فعل صحابية، وهي أم المؤمنين أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت. Le Cheikh il dit que Omar ibn al-Khattab, comme ça a été mentionné dans ce hadith qui est authentique, dans cette parole de Bajala ibn Abda qui est mentionné dans Sahih al-Bukhari, que Omar ibn al-Khattab a écrit à tous ses ministres et à tous ses représentants dans les différentes contrées de l'Empire islamique d'exécuter les sorciers. Donc ça veut dire que yani, comme le cheikh il explique, que c'est quelque chose qui est devenu ishtahara, yani, c'est quelque chose de connu, c'était un verdict qui était connu dans l'islam, et ça vient supporter ce qui a été mentionné tout à l'heure selon Jundub, hein. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et suivez ma sunna et la sunna de mes pieux successeurs, hein, de mes successeurs bien guidés après moi, et accrochez-vous à ça. Donc ça veut dire que si ça fait partie de la sunna de Omar ibn al-Khattab, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit suivre et respecter. Et le Cheikh il dit et Bajala ibn Abda était un scribe pour les dirigeants ou certains parmi les responsables dans l'Empire islamique. Est-ce que tu dis, Harry? Ibn Abda Bajala. Donc, il écrivait qu'est-ce que les ordres qui venaient de Omar ibn Khattab, qui étaient envoyés par Omar ibn Khattab, il les écrivait. Et yani, donc il écrivait ce qui lui arrivait, et donc parmi ce qu'il a reçu c'était ce commandement-là. Et il a écrit qu'ils ont tué 3 sorcières. Et ils ont donc exécuté l'ordre de ce que Omar ibn Khattab avait envoyé. Et sawahir, c'est le pluriel de sahira, ça veut dire une femme qui pratique la sorcellerie ou la magie. Et ça a été aussi mentionné de façon authentique selon Hafsa. Et Hafsa, c'est la fille de Omar ibn al-Khattab. La fille de Omar ibn al-Khattab. Et c'est Umm al-Mu'minin parce qu'elle était une parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a ordonné d'exécuter une jeune fille qui était à son service, comme le frère disait tout à l'heure. C'était une mamelouka, yani. Mais Jariya, je pense que ça peut être utilisé aussi pour une jeune fille, même si elle n'est pas une servante. Mais Allahu A'lam. Parce que j'écoutais Cheikh Obeid al-Jaberi qui parlait de ça il y a peut-être un jour ou deux, et puis il expliquait cette explication-là, donc Allahu A'lam. Et donc le Cheikh il dit que ça c'est une preuve donc que cette fille-là, elle avait pratiqué cette sorcellerie-là et qu'elle a ordonné qu'on l'exécute. Et donc ça c'est l'action d'une sahabiya, d'une femme compagnon, ou une femme qui était parmi les sahabas, et une des mères parmi les mères des croyantes. Et donc, elle a ordonné cette exécution-là parce qu'elle avait été ensorcelée par cet esclave, ou bien par cette femme. Ensuite, il y a aussi l'exemple de ce qui a été dit par l'imam Ahmed, que ça a été rapporté de la part de trois parmi les Sahaba de façon authentique. Il dit « وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلْ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالصَّابِرُ عَلَى الْمِحْنَةِ أَحْمَدُ أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت مذاهبهم حية وله من الفضائل رحمه الله الشيء الكثير وكتب في مناقبه وترجمته مؤلفات كان إماما في السنة ومناصرا للحق وصابرا على المحنة حتى ثبته الله وثبتت به عقيدة المسلمين من الزيغ حينما امتحن الناس بالقول بخلق القرآن فثبت وصبر على الجلد على الجلد وعلى السجن وعلى الإهانة حتى أظهره الله بنشرها ونشر به الحق لشيخ الذي كالإمام أحمد كما ذكر كما الشيخ المعتني كالإمام أحمد ذي que ça a été mentionné par trois parmi les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il donne une petite biographie de l'imam Ahmed, qui il est. Donc il dit que l'imam Ahmed, c'est l'imam de Ahl Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah. C'est ça, c'est un de ses titres, ou un des, une des appellations par lesquelles il est connu, du fait que il a résisté à l'épreuve. Il a enduré l'épreuve de la, à l'époque de la fitna de Khalq al-Qur'an, lorsque les Mu'tazila ont dit que le Qur'an avait été créé et que tous les ulama étaient, disons, forcés de dire cette parole-là. S'ils refusaient, ils étaient soit exécutés, ou emprisonnés, ou torturés, ou d'autres choses. Donc, l'imam Ahmed a été un parmi les ulama de Ahl al-Sunnah qui a tenu tête à ces gens-là, et qui a défendu la Sunna, et qui a refusé de dire la parole des Mu'tazila. Et à cause de ça, il a été emprisonné, et torturé, et éprouvé, yani, de différentes façons, humilié, et yani, il a souffert à cause de ça pendant plusieurs années, et je pense qu'en tout c'était peut-être 23 ans. Hein, il y a eu trois khulafa qui sont morts pendant cette période-là, hein, pendant la période où il a souffert. Le premier c'était Al-Ma'moun, ensuite il y a eu celui qui l'a succédé, c'était Al-Wathiq, et ensuite c'était, c'était Al-Mu'tasim, et après c'était Al-Wathiq, les trois khulafa Mu'tazili, c'était ces trois-là, puis ensuite, il y a eu Al-Mutawakkil qui a succédé à Al-Wathiq, et Al-Mutawakkil, lui, faisait partie des gens d'Ahl Sunnah. Donc, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a chassé les Mu'tazilas, et il a libéré l'imam Ahmad, et l'a remis à sa place. Et il a donc honoré à cause de ça. Et donc, alhamdulillah, la Sunnah est revenue à sa place, et l'islam est revenu, la aqida des musulmans a été préservée de l'égarement et de la déviation à cause de ça. Donc, à cause du fait qu'il s'est tenu ferme sur cette chose-là. Naam. Al-Wathiq. Al-Wathiq. Naam. C'était à Bagdad. C'était à Bagdad, ou bien le premier était à Bagdad, mais après l'autre il était à Damas, je crois, Al-Mu'tasim, pardon. C'est possible que ce soit des frères. Le premier, il était le fils de Haroun al-Rashid. Hein, Haroun al-Rashid, c'était un salafi parmi les khulafa qui étaient sur la sunna. Et Al-Ma'moun, lui, il était le fils de Haroun al-Rashid. Et Al-Mu'tasim, peut-être que c'était aussi son fils à Haroun al-Rashid, mais je ne suis pas sûr. Wallahu a'lam. et Al-Wathiq, je ne sais pas. En tout cas, à un moment donné, il y en a un qui était à Damas, donc l'imam Ahmad a été transféré à Damas, et en chemin, le khalifa est mort. Alors, ils l'ont renvoyé encore une fois. Ouais, ça se fait, oui. Et là, là, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, le khalifa est mort avant qu'il arrive. Donc, c'est ça, il a survécu à toutes ces épreuves, donc, alhamdulillah. Haroun al-Rashid. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'imam Ahmad, rahimahullah. Et après, le cheikh il dit, waqad sahha an salata. Ah oui, dit que c'est un parmi les imams qui a un madhab, parmi les quatre imams des madhahib qui sont très connus dans la Umma, l'imam Ahmad, et son madhab est resté jusqu'à aujourd'hui. Malgré que c'est le madhab qui a peut-être le moins de gens qui le suivent dans le monde musulman. Oui, c'est le plus proche de Ahl Sunnah parce qu'il est, disons, le plus proche du hadith. Le plus proche du hadith. L'imam Ahmad a récolté plus de hadith et il. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a été le cheikh de l'imam al-Bukhari et le cheikh de l'imam Muslim et le cheikh de l'imam Abu Daoud et la plupart des narrateurs de hadith. Donc, c'est pour vous dire que si lui c'était leur cheikh, alors imaginez son degré, il est dans l'ilm. Après, le cheikh dit, قال صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني صح قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وحفصة أم المؤمنين وجندب وهو جندب بن كعب الأزدي الرامدي وله قصة وهي أن الوليد كان يلعب عند ساحر ومن جملة سحره أنه يظهر للناس أنه يقتل الرجل ثم يحييه حيث يستعمل القمرة أي السحر التخييلي ويخيل إلى الناس أنه يقطع رأس الرجل ثم يعيد الرأس مكانه فيما يظهر للناس فجاء جندب بن كعب رضي الله عنه مخيفا مخفيا السيف فلما وصله قطع رأسه وقال إن كان صادقا فليحي نفسه Allah Mustaan. Donc le cheikh il dit que ça a été l'imam Ahmad a dit ça a été rapporté de façon authentique de la part de trois parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'exécution des sorciers. Ça a été rapporté par, selon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, selon sa fille Hafsa al-Mu'minin et selon Jundub, et comme on disait tout à l'heure, le frère a dit peut-être c'est Jundub ibn Abdullah al-Bajali, mais il dit ici que c'est Jundub ibn Ka'b al-Azadi al-Ramidi. Hein, et il a une histoire à ce sujet-là justement. Et il dit que l'histoire c'est que Al-Walid jouait, ou bien yani, il s'amusait avec un, yani, il se laissait divertir par un sorcier. Et parmi les gens qui l'ont, parmi les choses qu'il faisait, parmi les choses qu'il faisait comme magie ce sorcier-là, c'est qu'il donnait l'impression aux gens qu'il tuait quelqu'un puis qu'il le faisait revivre. Donc, qu'est-ce qu'il arrivait? Il utilisait une magie qu'on appelle al-kumra, et c'est une sorte de magie illusoire. Hein, c'est des tours de, oui, Copperfield, oui, c'est ça. Ceux qui se font montrer comme s'ils se coupent en deux, puis qu'ils se recollent par la suite, hein. Donc, c'est des illusionnistes. On les appelle les illusionnistes. Et, il donne l'impression aux gens qu'il coupe la personne en deux, hein. Il y a des gens comme ça. Ils prennent une boîte, ils mettent le corps d'une personne, ils prennent une scie, ils coupent, et là ils séparent la boîte. Donc là tu as l'impression que la personne a été coupée en deux. Et après ils le recollent encore, et la personne sort de la boîte et elle est en une pièce. Donc il y a d'autres trucs aussi. Hein, j'ai vu des trucs comme ça sur internet aussi, des trucs comme ça, où on montre qu'on coupe quelqu'un en deux ou des trucs comme ça. Et il y a aussi peut-être, Allahu A'lam, si ça rentre là-dedans, mais peut-être que oui, les effets spéciaux dans les films, où on montre toutes sortes de choses qui sont fausses, yani, on fait croire aux gens qu'il y a des gens qui se font tuer ou qui ont des défigurations, qui se font. Ouais, avec les effets spéciaux, ils sont capables de montrer toutes sortes de choses. Allahu a'lam, bon, moi je dis ça comme ça là, mais peut-être que c'est pas dans, ça rentre pas là-dedans, mais bon, c'est toutes des choses qui ont rapport avec l'illusion. Hein, c'est de faire croire aux gens des choses qui sont fausses, qui sont pas vraies. Hein. Et donc lui, qu'est-ce qu'il faisait ce sorcier-là? Il coupait la tête des gens, puis il montrait qu'il la recollait sur la personne, puis la personne est restée en vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jundub ibn Ka'b? Il est venu avec une épée, et il cachait son épée. Quand il est arrivé proche du sorcier, il lui a coupé la tête, et il a dit, si tu dis la vérité, si ce que tu fais c'est vrai, alors remets-la, hein, remets ta tête toi-même, remets-toi en vie toi-même. Et donc, ça a été un exemple pour les gens, parce que les gens qui savent pas, ils vont regarder ça, ils disent, ah, waouh, cet homme-là, il a un pouvoir incroyable, comment il fait, hein, il éblouit les gens. Et donc, on voit que, non. Mais non, c'est sûr, c'est pas nous qu'on va appliquer ça. Yani Allahu a'lam s'il y a une étape pour le sahir, je sais pas. Mais il y a pas de doute que c'est il faut qu'il y ait que ce soit le juge ou un dirigeant qui va appliquer cette peine, pas n'importe qui. C'est quoi? Ça, je sais pas, wallahu a'lam. En tout cas, même s'il y a cette fatwa, ça veut pas dire que c'est vrai, parce que la base, c'est qu'on n'a pas le droit d'appliquer les hudud, excepté si on a une autorité. Wallahu a'lam. Et, le cheikh, il dit ensuite, wa qatluhu ghayratan ala, qatalahu ghayratan ala dinillah azza wa jal. وتحديا لهذا الساحر الذي يحيي الموتى بزعمه فبذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة وتبين أنه كاذب. Donc il dit que le sahabi l'a exécuté comme ça parce qu'il avait le sens de l'honneur pour la religion de l'islam, la religion d'Allah. Et pour défier ce sorcier qui donnait l'impression qu'il faisait vivre les morts selon ce qu'il prétendait, et donc on a vu que par le fait qu'il l'a exécuté, on a pu montrer que sa ruse diabolique a été fausse. Et donc on a montré que c'était un menteur. Et parmi les choses qu'on peut tirer de ces hadiths, de ces paroles des sahaba, le cheikh il dit, il y a des points très bénéfiques. Le premier, الفائدة الأولى, كفر الساحر, لأن الصحابة قتلوه, وما قتلوه إلا لكفره, وهذا مع الآيات التي تدل على كفره, كقوله تعالى, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان, وما كفر سليمان, ولكن الشياطين كفروا. يعني ما استعملوا السحر كما يظن اليهود, فدل على أن استعمال السحر كفر, ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, يعني سبب كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر, فدل على أن تعليم السحر كفر, وأن الله قال في الملكين, وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر, يعني نحن امتحان واختبار, فمن قبل السحر فهو كافر, فلا تكفر بتعلم السحر, فيتعلمون منهما, يعني من الملكين, ما يفرقون به بين المرء وزوجه, فهذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجته بإحداث البغضاء, فهو دليل لمذهب أهل السنة على أن السحر له حقيقة يؤثر ولو لم يكن له حقيقة لم يؤثر البغضاء. Donc on va expliquer ce passage. Parmi les points importants ou bénéfiques qu'on peut tirer de ces paroles des Sahaba. Premièrement, le sorcier il est kafir, premièrement, parce que les Sahaba les ont exécutés, et ils ne les ont exécutés qu'à cause de leur mécréance. Et ça c'est aussi prouvé par les versets qui montrent qu'ils sont des koufars, comme le verset dans Surat al-Baqarah, je pense que c'est 121, si je me souviens bien, qui parle de Suleyman et il dit « et ils ont suivi ce que les shayatins ont dit au sujet de Suleyman ». C'est-à-dire que les gens, ils accusaient, ils disaient que Suleyman, le pouvoir qu'il avait, c'est à cause des diables, qu'il avait appris ce pouvoir-là des diables, qu'il faisait de la magie. Mais en réalité, c'est faux. Hein, c'était pas de la magie qu'il faisait. Il dit, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. C'est pas Suleyman qui a mécru, mais c'est les shayatins qui ont mécru parce qu'ils enseignaient aux gens la magie. Donc, Suleyman n'a pas utilisé la magie contrairement à ce que prétendaient les juifs, mais ça prouve en même temps que d'utiliser la magie, c'est kofr. Ok. يعني ما استعمل السحر كما ظن اليهود فدل على أن استعمال السحر كفر. Utiliser la magie c'est une forme de mécréance, mais c'est les mécréances, c'est les shayatins qui ont mécru en enseignant aux gens la magie et la sorcellerie. Donc ça montre que d'enseigner la sorcellerie aussi c'est un acte kufr, de l'enseigner même si quelqu'un la pratique pas ou lui-même. S'il l'enseigne, c'est kufr. يعلمان فيتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Il y avait deux anges qui ont été envoyés pour enseigner aux gens la sorcellerie, mais c'était comme une épreuve pour les gens. Et ils disaient aux gens, si vous apprenez la magie, vous allez être des koufars. Vous allez avoir l'enfer comme résultat, comme conséquence. Alors, n'entrez pas dans la mécréance. Il les conseillait de ne pas rentrer dans la mécréance. Et parmi les choses qu'ils apprenaient, c'est de comment faire pour séparer entre un homme et sa femme. Ok? Donc, ils apprenaient ces choses-là. Et ça, c'est une preuve que la magie, elle a un effet réel. Que c'est pas quelque chose, c'est pas seulement la magie illusoire qui existe, mais il y a la magie ou la sorcellerie qui a un effet réel. D'accord? Même si on peut pas le prouver scientifiquement, mais on peut savoir que ça existe puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé dans la révélation. Et, l'effet de cette magie-là, c'est qu'elle divise ou qu'elle sépare entre un homme et sa femme en créant entre les deux de la haine et de la dispute. Okay? Et donc ça c'est la preuve qui supporte la position d'Ahl Sunnah au sujet de la véracité et de l'existence que la réalité de la magie, de l'effet de la magie, elle est réelle, qu'elle est réelle. Même si, et le chef dit que si elle n'était pas réelle, elle n'aurait pas d'effet, elle ne pourrait pas séparer entre l'homme et sa femme. سيدي ثم قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي القدر الكوني لأن الأذى على نوعين النوع الأولى أو النوع الأول القدرة الكوني الذي تنتج عنه المقدرات خيرها وشرها والثاني النوع الثاني الإذن الشرعي المذكور في هذه الآية فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي بشرعه وهذا فيه أن الإنسان يتوكل على الله ومن توكل على الله كفاه شر السحرة وغيرهم ولهذا أمر الله بالاستعاذة من السحرة ومن شر النفاثات في العقد أي من شر السواحر. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, comme le chef il dit, que les sorciers, la magie qu'ils font, ça ne peut pas nuire à quelqu'un excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et quand on parle de la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle de la permission dans qu'est-ce qui a rapport avec l'ordre dans la création, dans qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Ok? Et c'est le tort ou la nuisance que ça peut causer est de deux catégories. La nuisance sur le plan, ou bien disons que c'est la première catégorie, c'est qu'est-ce qui a rapport avec Al-Kawni, Al-Qadari, qu'est-ce que Allah a prédestiné à une personne et qu'est-ce qu'il a créé. Okay. Et ça comprend ce qui est bien ou ce qui est mal de ce que Allah a prédestiné. Donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, lorsqu'il a prédestiné, il y a le bien et il y a le mal. Donc, ça peut arriver parfois du bien et ça peut arriver parfois du mal. Et ça, c'est uniquement par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on appelle cette permission-là al-kawni. Et il y a aussi al-shar'i, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comme le cheikh, il mentionne le verset, فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الله سبحانه وتعالى par sa permission il a guidé ceux qui ont cru vers la position correcte au sujet duquel ils avaient divergé. Donc Abdul Hakim, laisse un petit peu le chauffage. Ah, il est fermé, on est en train qu'il fait chaud. Ok, non, c'est ça, je vois que les frères ils ont chaud, on dirait. Ok, khair inshallah. Après, donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici dans ce verset-là, par sa permission, il guide ceux qui ont cru vers la vérité dans ce qu'ils ont divergé, au sujet de quoi ils ont divergé. Donc ça veut dire que ceux qui ont cru, Allah les guide vers la vérité quand il y a des divergences, par sa permission. Et cette permission-là, on parle de la permission qui est disons dans sa révélation, hein, c'est le fait qu'il a révélé la guidance dans sa révélation, hein, et il permet à ceux qui ont cru de suivre cette guidance là, d'accord, dans ce sens là. Et il dit wa hadha fihi anna al-insan, donc ça, ce verset là, quand on entend un verset pareil qui nous dit que les sorciers ne peuvent pas faire aucun tort à quelqu'un excepté par la permission d'Allah, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique, comme le chef explique, que l'être humain, il doit mettre toujours sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour chercher la protection et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui met en Allah sa confiance, il sera protégé du mal des sorciers et de toute autre créature. Okay, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il a ordonné aux gens de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre les sorciers. Dans le verset قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد. Et النفاثات في العقد, c'est les sorciers, ceux qui soufflent sur les nœuds, hein, c'est les sorciers. Donc il nous ordonne dans ce verset là de chercher le refuge à Allah subhanahu wa ta'ala contre les sorciers, et donc contre le mal des sorciers. ثم قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم دل على أن تعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحة لأن الأمور على خمسة أقسام ما كان ضررا محضا ومنه السحر والكفر والمعاصي والنوع الثاني ما كان مصلحة محضة ليس فيه ضرر البتة كالطاعات والنوع الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة ولكن مضرته أكثر من مصلحته والنوع الرابع ما كانت مصلحته أكثر من ضرره كالجهاد في سبيل الله على ما فيه من القتل والجراح والنوع الخامس ما تساوى ضرره ومصلحته. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ce qu'ils apprennent de la sorcellerie, ça leur nuit, ça leur fait du mal et ça ne leur fait aucun bien, ok, ça ne leur amène aucun bienfait. Et ça prouve donc que d'apprendre la sorcellerie, c'est un mal pur, absolu. Il n'y a pas de bien dedans du tout pour une personne. Le wudj, la planche de... Ah oui, la magie blanche et la magie noire, les deux c'est la même chose. Les deux c'est la même chose, non, c'est de la magie. Non, c'est comme on a expliqué. Et donc, c'est ça, le chef il dit qu'il n'y a pas aucun bien dans la magie. Il n'y a pas de bien ni dans la magie noire ni dans la magie blanche. Et ils sont divisés en cinq catégories. C'est-à-dire, les choses en général sont divisées en cinq catégories en ce qui concerne le bien et le mal qu'il peut y avoir dedans. Il dit, premièrement, ce qui est mal d'une façon totale, absolue, comme la magie, le coffre et les péchés. Ça, c'est mal d'une façon absolue, c'est des choses mauvaises. Deuxièmement, ce qui est un bien pur et complet, comme par exemple l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et yani de faire le bien. Dans ça, il n'y a aucun mal. Troisièmement, ma kana fihi madara wa maslaha. Qu'est-ce qu'il y a dedans, quelque chose qui est nuisible et qui est bien, qui a du bienfait dedans en même temps. Et mais le bien qui est dedans est plus par rapport au mal. Ok. Et la quatrième, c'est qu'est-ce qui a du bien et du mal dedans, mais que le bien est plus grand que le mal, comme par exemple le jihad, fi sabilillah. Ok. Pardon, celui qui a le mal dedans est le bien, mais que son mal est plus grand que le bien. Et l'autre exemple qu'il a donné, c'est celui qui a du bien et du mal, mais que son bien est plus grand que le mal. Vous comprenez la différence? Et el jihad fi sabilillah, ça c'est l'exemple qu'il a donné pour ce quatrième exemple-là, parce que il y a dans le jihad, il y a la mort et il y a les blessures, hein. Donc ça c'est un mal, mais il y a un bien qui est plus grand, c'est le paradis et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la victoire. Donc il y a ça. Après il y a aussi, comme cinquième exemple, ce qui est égal dans le bien et dans le mal. Quelque chose qui est égal dans le bien et dans le mal. Et ensuite il dit والموضع الرابع مما يدل على كفر الساحر قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي قد علم اليهود أن تعلم السحر وعلمه وما له وقد علم اليهود أن من تعلم السحر وعلمه ما له نصيب في الجنة وهذا هو الكافر. Le chef il dit que, comme quatrième point dans le verset de Suleyman qu'on a mentionné tout à l'heure, qui mentionne la preuve que la magie ou la sorcellerie est kufr, c'est la partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et ils ont certes su avec certitude les juifs que celui qui achète la magie ou apprend la magie ou l'enseigne, eh ben il n'aura aucune part, il n'aura aucune part dans l'au-delà, il n'aura aucune part dans le paradis. Et le cheikh dit donc, les juifs ont su que celui qui apprend ou enseigne la magie n'aura aucune part dans le paradis et qu'il est kafir. Ça c'est la preuve qu'il est kafir. Parce que celui qui ne rentre pas au paradis du tout, c'est le kafir. Al-mawdi' al-khamis, wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون قوله لو ولو أنهم آمنوا أي تركوا السحر وهذا دليل على أن السحر كفر ينافي الإيمان ولكنهم لم يتركوا السحر بل اتخذوه بدل الإيمان فكفروا. Le cheikh il dit comme cinquième point dans le verset qui prouve la mécréance du sorcier. C'est, ou bien cinquième point, mais c'est lorsqu'il, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et comme est mauvais le commerce qu'ils ont fait, en apprenant la magie, si seulement ils savaient. C'est comme s'ils ont vendu leur âme en fait en apprenant cette chose-là, cette magie-là. Et s'ils avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient su bien que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande et meilleure pour eux. Et le cheikh il dit que s'ils avaient cru, ça veut dire, et s'ils avaient abandonné la magie. Et donc il y a la preuve ici que la magie est une forme de kufr qui s'oppose à la foi. Mais ils ne l'ont pas abandonné, hein, ils n'ont pas abandonné la magie, ils l'ont pris comme, remplacement pour la foi. C'est-à-dire ils ont remplacé la magie, la foi par la magie. Et donc ils ont mécru. Et donc ça c'est les cinq points dans ce verset-là qui montrent la mécréance du sorcier et avec l'action des sahaba qui les ont exécutés. Donc on a les exemples ici. وفي قوله وفي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر أي حيث أتى دليل على كفر الساحر حيث نفى فلاحه والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان فإنه يفلح وإن عذب والله نفى عن الساحر الفلاح مطلقا فدل على أنه كافر والعياذ بالله. هذه المسألة الأولى هي مسألة مهمة ذكرنا فيها الأدلة التي تدل على كفر الساحر وكفر الساحر مطلقا كما ذكر الشارح هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد يرون كفر الساحر وقد سبقهم جمع من الصحابة والإمام الشافعي يقول نقول للساحر صف لنا سحرك صف لنا سحرك صف لنا سحرك فإن وصفه بما يقتضي الكفر فهو كافر وإلا فلا ولكن هذا المذهب مرجوح لأنه يمكن السحر إلا لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين والخضوع لهم وحينئذ يكون كافرا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 29 dans sourate 69 dans sourate Taha 69 que ce que les sorciers ont fait comme ruse, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que les sorciers ont fait, c'est seulement une ruse, une sorte de ruse, et que celui qui fait la sorcellerie, donc il n'aura jamais le succès, peu importe de quelle façon il s'y prend, hein, il n'aura jamais le succès. Et donc ça c'est la preuve que le sahir, le sorcier est un mécréant parce que Allah a nié qu'il aura le succès, tandis que le croyant, il aura toujours le succès même si sa foi est faible. Hein, même s'il n'a qu'une atome de foi dans son cœur, il aura quand même du succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala a nié que le sorcier aura un succès quelconque. Donc ça prouve qu'il est kafir, que Allah nous protège. Et il dit après que, donc ça c'est le premier point au sujet de cette question, et c'est un sujet très important, et on a mentionné donc les preuves qui montrent que le sorcier est un kafir, est un mécréant. Et il dit, la mécréance du sorcier, elle est totale et absolue. Comme le chef il l'a mentionné, que les imams des trois madahib, l'imam Abu Hanifa et Malik et Ahmad, ils considèrent que le sorcier, il est kafir. Et comme d'autres parmi les sahaba l'ont précédé à ça. Donc, ils les ont précédés à cette position, à cette position-là. Et le seul qui a divergé ou qui a, disons, émis une position qui est un peu nuancée, c'est l'imam Shafi'i à ce sujet-là. Et lui, il a dit, on dit aux sorciers, décris-nous ta magie, ta sorcellerie. Et s'il décrit quelque chose qui implique un kufr, dans ce cas-là, on dit qu'il est kafir. Sinon, on ne le déclare pas comme étant kafir. Et le cheikh il dit que cette position de l'imam al-Shafi'i elle est pâle, c'est pas la bonne. C'est-à-dire, elle est, disons, dépassée, ou elle est, disons, dépassée par la position des autres qui ont mentionné des preuves qui sont claires à ce sujet-là. Et parmi les arguments qui montrent que cette position-là de l'imam Shafi'i est incorrecte, c'est qu'il n'est pas possible pour le sorcier de faire de la sorcellerie, excepté s'il a l'aide des diables avec lui et qu'il se soumet à eux. Et donc, il devient kafir à cause de ça. Et bien entendu aussi, peut-être un autre argument, c'est que si on demande au sorcier, décris-nous ta sorcellerie ou ta magie, il ne va pas dire nécessairement la vérité à propos de ce qu'il fait. Il va peut-être essayer de décrire quelque chose qui, s'il sait que ça implique pas un coffre, il va décrire différemment. Donc, on ne peut pas se fier sur ça. Et le cheikh, il dit, الفائدة الثانية في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل الردة لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عمر حفصة وجندب ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة فدل على وجوب قتله لأنه مرتد والمرتد يجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والساحر من هذا القسم الأخير التارك لدينه المفارق للجماعة Le chef, il dit que le deuxième point qu'on peut tirer de ce chapitre parmi les bienfaits, c'est que ce hadith est une preuve qu'il faut que la peine pour le sorcier, c'est l'exécution, et qu'il est exécuté à cause de son apostasie, à cause qu'il a rejeté la foi. Et ça a été rapporté de façon authentique de la part de trois parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, Hafsa et Jundub, radiallahu anhum. Et personne parmi les Sahaba n'a contredit leur position. Et donc ça prouve que c'est obligatoire d'appliquer cette peine-là sur eux. Et qu'ils sont des apostats. Et donc la peine pour l'apostat, comme on l'a expliqué, c'est l'exécution. Comme ça a été prouvé par le hadith qui est apporté dans Sahih al-Bukhari. Man baddala dinahu faqtulu. Celui qui a changé sa religion, alors, exécutez-le ou tuez-le. Et j'écoutais Tariq Ramadan dans une de ses cassettes, il essaie de réfuter les salafis, et subhanallah, il disait le hadith « Man baddala dinahu faqtuluh » il est uniquement mentionné par Al-Bukhari, il n'est pas mentionné par Muslim. Yani, comme si c'était une condition pour que le hadith soit authentique et accepté, qu'il doit être mentionné par Muslim, sinon il n'est pas authentique. Donc ça c'est un exemple de leur façon de jouer avec les hadiths, et ils mentionnent ça aux gens qui connaissent pas l'islam, et donc eux ils vont s'imaginer que ah bon c'est vrai, si le hadith n'est pas mentionné par muslim, il est juste par Bukhari, donc c'est pas bon. Alors que s'il est mentionné par le Bukhari tout seul, il est authentique, c'est une preuve, hein. Et même si c'est pas dans Sahih Muslim, si c'est pas dans Al-Bukhari, ni dans Muslim, si c'est un hadith sahih, il est accepté par les ulama, et c'est une preuve dans la charia. Hein? Et après il a dit, puis en plus il est ahad, il a essayé de dire qu'il est ahad et des trucs comme ça. Exactement. Donc, en plus, qu'est-ce qui est bizarre, c'est que c'est un hadith qui a rapport avec les ahkam, les règles de la charia. Et les ashaira, même ceux qui disent qu'ils acceptent pas les ahadith ahad dans les questions d'aqidah, ils les acceptent dans les questions de ahkam. Et lui, il est allé jusqu'à les nier même dans les questions d'ahkam, et non pas seulement dans les questions d'aqidah. Donc c'est pour vous dire que, comment ils vont loin dans leur façon de jouer avec l'islam. Et il y a un autre hadith qui prouve aussi ce hadith-là, qui est supporté par un autre hadith encore. On l'a déjà expliqué dans le cours passé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis pour un musulman c'est-à-dire il n'est pas permis de faire couler le sang ou de tuer un musulman, excepté pour trois raisons. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, donc il sera exécuté. quelqu'un qui a fait l'adultère alors qu'il est marié, alors il sera lapidé, et quelqu'un qui a abandonné sa religion, quelqu'un qui a abandonné sa religion et qui s'est séparé des musulmans. Donc lui, il est considéré comme un murtad. Et ça, c'est la preuve que ça fait partie des peines qui nécessitent l'exécution pour ça. Et le sorcier, il fait partie de cette dernière catégorie-là, comme le cheikh il le dit. Et donc, c'est un murtad. الفائدة الثالثة في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه وإنما فيهم فيها أنهم قتلوه ولم يذكر أنهم استتابوه وأيضا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه فهو وإن أظهر التوبة فإنه يقتل في كل حال لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه بعدما تعلمه ومن أجل دفع فساده يقتل في كل حال لأن التوبة ولأنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق بل من أجل أن يتقي القتل وقال الشارح وهذا قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد والقول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد أنه يستتاب كغيره من المرتدين لأن المشرك يستتاب فالساحر أيضا يستتاب ولكن الرأي الأول أرجح فيقتل ولا يستتاب لغلظ ردته ولأجل كف شره عن المسلمين ولأنه يظهر التوبة ويخدع الناس ولكن إن كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله أما الحد فلا يسقط عنه وهذا حكمه في الدنيا وعلى كل حال أمر السحر أمر خطير. Donc le cheikh il explique comme troisième point que on a vu là, c'est à propos de ce que tu avais posé comme question tout à l'heure, que la personne qui fait la sorcellerie, on a la preuve dans ces hasards qu'on a lu que il est exécuté. Et que on n'a pas à attendre à lui demander de se repentir de ce péché-là, ok? Et pourquoi? C'est parce que dans aucune des affaires qu'on a mentionnées, on voit la mention de la part des Sahaba où on entend parler des Sahaba de istitab, de lui demander de se repentir de ce péché-là. Parce que en général, la personne qui fait un acte de kufr ou de shirk, on lui laisse trois jours, ou bien une durée de temps, pour qu'il se repense de ce péché-là, pour qu'il revienne à l'islam. Sauf qu'on ne voit pas ça pour... Alhamdulillah. On ne voit pas ça pour le sorcier. Donc, le cheikh, il dit qu'il n'y a pas de stitaba pour le sorcier et qui est exécuté directement. Et il dit aussi que parmi les raisons de ça, c'est que s'il se repent en apparence, on sait que la connaissance qu'il a de la sorcellerie, elle reste dans son cœur. Hein? Et on sait que cette connaissance-là, elle reste dans son cœur. Même s'il montre qu'il s'est repenti, donc il est quand même exécuté, de toute façon. Parce que la repentance qu'il a fait n'enlève pas la sorcellerie qu'il a dans le cœur après qu'il l'ait appris. Et à cause du fait qu'on veut repousser ou éloigner le mal et la corruption qu'il amène dans la Ummah. Et aussi, c'est qu'il pourrait montrer aux gens qu'il se repent pour éviter de se faire exécuter. Alors qu'en réalité, il n'est pas sincère dans sa repentance. Et le chef, il mentionne les paroles des ulama qui ont expliqué ce livre-là, d'autres ulama qui ont fait le charh de Kitab al-Tawhid, et ils ont mentionné que ça c'est la position de l'imam Malik, et ça a été rapporté selon l'imam Ahmad dans une narration. Et la deuxième position, c'est la position de l'imam Shafi'i, et une autre narration selon l'imam Ahmad qui dit que on lui demande de se repentir comme les autres parmi les apostats, parce que le mouchrik, on lui demande de se repentir, donc le sorcier lui aussi, on lui demande de se repentir. Et le cheikh dit que la position numéro 1, la seule qui a été mentionnée en premier, du fait qu'on ne lui demande pas de se repentir, ça c'est la position la plus correcte. Et donc il est exécuté, et on ne lui demande pas de se repentir à cause de la gravité de son apostasie, et pour éloigner son mal des musulmans. Et parce qu'il peut tromper les gens en montrant qu'il se repent alors que c'est pas sincère. Et le cheikh, il dit que s'il est sincère dans sa repentance, c'est entre lui et Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah va accepter sa repentance. Sauf que nous, on applique sur lui la punition et la peine que Allah a établie pour ce péché-là. Et donc ça, c'est sa punition et c'est son verdict dans la dunya. Après le chef, il dit وعلى كل حال أمر السحر أمر خطير وفي هذا الزمان كثر شر السحرة وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم وأمر الأموال أخف من أمر العقيدة وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الحفاظ عليه ولكن العقيدة أهم ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وباء خطير فتاك يجب علاجه ويجب القضاء عليه فالسحرة في العالم في هذا الزمان يقيمون نوادي يجتمعون فيها ومؤتمرات ويعقدونها من أجل إهلاك البشر وتعاظم شرهم وخطرهم فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر ويجب على من علم وجود ساحر في البلد أن يبلغ ولاة الأمور عنه ولا يجوز الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة فالسحرة مثل الكهان أو شر من الكهان أو شر من الكهان قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فلم تقبل له صلاة 40 يوما وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو أرواسا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالسحر من الطاغوت ومن الجبت كما سبق وهو شر من الكهانة وإذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه وأن من أتاه لا تقبل صلاته 40 يوما وهذا ومن هدفه ومن هدفه يكفر بما أنزل على محمد فكيف يذهب بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين وقد يأمرونه بالشرك فيأمرون بالذبح لغير الله فالأمر خطير جدا فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء ومن هذا الوباء وهذا الخطر وأن لا يتشفى بين المسلمين. Le cheikh, il termine ce chapitre en disant que c'est très dangereux. Qu'est-ce qui a rapport avec la magie et la sorcellerie, c'est très dangereux, c'est très grave. Et il dit qu'à notre époque, il y a eu beaucoup de mal de la part des sorciers qui s'est répandu. Et ils ont commencé à utiliser la sorcellerie dans le but de gagner l'argent et de rassembler l'argent des gens, pour gagner de l'argent des gens, et de jouer avec eux. On a entendu ça, beaucoup d'exemples comme ça, dans différents pays musulmans même. Et la question qui a rapport avec l'argent, c'est grave, mais c'est moins grave que la question qui a rapport avec l'aqida, parce que les sorciers, ils jouent avec l'aqida des gens, non seulement avec leur argent, mais avec leur aqida, ils les amènent vers le kufr, donc c'est très grave. Et donc le cheikh, il dit que la présence des sorciers dans les sociétés musulmanes, c'est un très grand danger, un très grand mal. Et il est obligatoire pour les musulmans de de remédier à ce problème-là et de terminer avec eux, avec ces sorciers-là, le plus possible. Et il dit que la sorcellerie, les sorciers, dans le monde actuellement, ils organisent des conventions dans lesquelles ils se réunissent pour y aller, pour parler de la sorcellerie, puis pour égarer les hommes. Hein. Même, je me souviens, même ici à Montréal, à chaque année, ils font ça, ici, partout, hein. Al-Ab Sahariya. Ouais, c'est ça. Et même ici, le truc des sciences occultes et de l'ésotérisme, c'est ça. Donc, tout ce qui a rapport avec les sciences occultes, l'ésotérisme et toutes ces choses-là, c'est relié avec le... Non, c'est pas le cirque. Non. Des fois, ils le font dans le cirque, au cirque, ouais, mais ça, c'est autre chose. C'est des conventions spéciales juste pour ces choses-là. Et là, il y a tout ce qui a rapport avec le Coran, le Sahir, toutes ces affaires-là, ils appellent ça les sciences occultes. Et l'ésotérisme, l'hypnotisme, toutes ces choses-là. Hein? Donc, ils font des conférences et des conventions comme ça. Subhanallah, oui. Donc, c'est pour ça, vous voyez l'affaire, comme vous parlez de l'hypnotisme maintenant, Freud, il utilisait l'hypnotisme dans ses psychanalyses et tout ça. Et c'est bien possible qu'il faisait de la magie. Hein? Puis, il faisait parler les djinns et des choses comme ça. Il utilise les djinns et ils font penser aux gens que c'est leur subconscient, des trucs comme ça. C'est des ruses de la part de ces gens-là. il leur fait croire que c'est quelqu'un qui, que c'est ses vies passées, hein, comme c'est pour essayer de justifier la réincarnation, la croyance en la réincarnation, puis des trucs comme ça. Bien sûr, ils te donnent pas les trucs. Parce que c'est des trucs qui a rapport avec les djinns et les shayatins. Hein, donc il faut bien faire attention à ces choses-là. Et le cheikh, il dit que leur danger est très grand. Et donc c'est obligatoire d'avertir les musulmans contre eux. Le cheikh, il dit que celui qui connaît la présence dans son pays d'un sorcier, il doit avertir les autorités pour qu'ils les arrêtent. Mais bien entendu, il y a des pays comme ici par exemple, même si tu alertes les autorités pour leur dire « celui-là il fait de la sorcellerie », ils vont pas l'arrêter, ils vont pas l'arrêter. Ah ouais, peut-être, on va voir. Ouais, c'est ça, avant il les brûlait. Maintenant ils y croient plus, alors ils les brûlent plus. Hein? Maintenant, ils les amènent à la télé, ils les font parler pour dire aux gens les mensonges. Ouais, je veux savoir. Oui. Donc, le cheikh, je sais pas. Le cheikh, il dit, il est permis d'aller, il n'est pas permis d'aller à un sorcier ou une sorcière. Et il n'est pas permis non plus de croire en ce que la sorcière ou le sorcier dit. Ou bien, en fait, le sorcier, le cheikh dit que c'est la même chose que le devin ou le médium, des trucs comme ça. On n'a pas le droit de croire en eux. Donc, le sorcier, il dit qu'il est plus dangereux, plus mauvais que le devin en plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va voir un devin, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et il dit que celui qui va voir un kahin, ou un devin, ou quelqu'un qui prétend connaître l'avenir et qui croit en ce qu'il lui dit, il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad, c'est-à-dire il a mécru en l'islam. Donc, le cheikh, il dit que la sorcellerie, donc, ça fait partie du tarot, et ça fait partie du djibt, comme on l'a expliqué, et c'est plus dangereux même que Al-Kihana, c'est-à-dire de prétendre connaître l'avenir ou des choses comme ça. C'est la même catégorie de kufr, mais c'est encore plus grave. Ok. Et le cheikh il dit, وَإِذَا كَانَ الْكَاهِنِ, si c'est obligatoire pour les musulmans de s'éloigner, de s'écarter du kahin, et que celui qui va le voir, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, et que celui qui croit en ce qu'il dit, il sera kafir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui va voir les sorciers, et les charlatans, et les gens qui font toutes sortes de magies comme ça? C'est encore pire. Et dans les pays musulmans, ceux qui pratiquent ça, parmi les gens qui pratiquent ça, il y a les soufis. Et eux, ils écrivent pour les gens des genres de talismans et des amulettes, des talismans et des trucs comme ça pour protéger soi-disant contre des trucs. Et ils utilisent la magie. Ils utilisent la magie. Pas juste les ahbash, mais pas juste les ahbash. Beaucoup de gens. Parce que les ahbash, c'est des soufis, hein, rifa'iyya et tout ça. Donc c'est ça. Donc ça, c'est le sihr qu'ils utilisent. Et ah, tu serais étonné, mon frère. Les Occidentaux, c'est des gens qui aiment beaucoup la sorcellerie. Mais maintenant qu'est-ce qui... Non, ils le maîtrisent. Regarde, en Occident, avant que le christianisme entre dans le monde, dans l'Europe de l'Est, la France, l'Espagne, tous ces pays-là, c'était des pays qui croyaient en toutes sortes des esprits et des idoles et des faux dieux, des djinns, et ils adoraient les esprits et ils utilisaient la sorcellerie. Et à l'heure actuelle, ça existe encore, mais c'est pratiqué dans des cercles. Non, qu'est-ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pratiqué en Occident dans des cercles fermés, ok, et des sociétés secrètes. Et c'est entre eux que c'est pratiqué. C'est pour rentrer, il faut être initié, puis c'est pas n'importe qui est accepté dans ces choses-là. Donc ils le pratiquent encore aujourd'hui, et ça fait encore partie de leur pratique et de leur croyance. La Kabbale, par exemple, hein, chez les Juifs, et ça fait partie de ça. L'astrologie, ça c'est une chose, mais il y a la sorcellerie, la vraie sorcellerie qu'ils pratiquent aussi encore. Mais comme je vous dis, c'est dans des groupes fermés, des sociétés secrètes, et les gens connaissent pas ça en général. D'accord? Parce que quand les chrétiens, donc les prêtres, l'Église catholique, les prêtres ont beaucoup étudié la magie, la sorcellerie, soi-disant parce qu'ils voulaient essayer de la maîtriser, la comprendre pour savoir justement prévenir le mal des sorciers. Et puis en fait, ils sont devenus des sorciers eux-mêmes. Hein, c'est ça. Mais Allah al-Musta'an, c'est pour vous dire, l'apparence de l'Occident qui se montre tellement scientifique et autre, qui aiment pas, qui croient pas en la magie et tout, c'est pour justement mieux pouvoir le pratiquer et puis se donner plus de liberté à rentrer là-dedans. D'accord? En tout cas, il faut pas se laisser duper par qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur, parce que en réalité c'est très répandu, ces croyances-là. Hein? Chez les Amérindiens, ça existait. Chez les gens de l'Afrique, ça existe. Ouais. Mmh. Ouais, mais les Blancs, comme je te dis, ils le pratiquent entre eux. Et ils utilisent le service de ces gens-là, des fois. Et ceux qui allaient là-bas, durant la colonisation, des trucs comme ça, et ils allaient apprendre de ces Africains-là, puis en Haïti aussi, la voodoo et tout ça. Ils allaient apprendre des gens. Ben, c'est surtout à cause de l'ignorance. L'ignorance du tawhid. L'ignorance du tawhid. Parce que si les gens connaissent le tawhid, ils rentrent pas dans ça, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais s'ils sont pas musulmans, mais même dans l'Ancien Testament, s'ils sont chrétiens, ils doivent savoir. Même les Juifs, ils savent que c'est interdit. Tu vois? Mais ils le font quand même. Tu vois? Parmi les musulmans aussi, ils savent que c'est interdit. Mais ils le font quand même, donc c'est la même chose, comme on a expliqué la dernière fois. Et on va juste clore ce chapitre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, celui qui dit, il dit que, comment donc quelqu'un peut aller voir les sorciers, alors que ils vont peut-être lui demander même de faire le shirk, ou de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est quelque chose de très dangereux, et donc c'est obligatoire pour les musulmans de prendre garde de ce grand malheur, et de s'en écarter parce que c'est très dangereux et ça se répand parmi les musulmans. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps on a pris aujourd'hui. Ah, c'est bon. Donc, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.